one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être! Tu veux être libre comme l'air? Hey! Libre comme l'air! Tu veux être libre comme l'air? Hey! De l'Ariane à Saint-Lévesque, un conseil de notre conseil de, à Saint-Lévesque, conseil de notre conseil de, à Saint-Lévesque, conseil fucking de. Et vive le rock libre! Yes sir, les esclaves salariés avec bonheur d'occasion. C'est le camarade B qui vous accueille pour une 444e émission de Sky Punk, la seule et unique émission à se donner à 100% à la fois dans le ska, le oi, le punk, le folk punk aussi, le rockabilly, le psychobilly, le hardcore et le reggae. Bref, toute la bonne musique qui tourne autour du punk. Aujourd'hui, on commence la musique avec Jeunesse Apatride et la pièce Dragon de Fer, extrait de l'album L'Arme au Poing. Jeunesse Apatride qui seront en spectacle à Trois-Rivières dans le courant du mois de novembre. Après ça, eh bien, on va avoir aujourd'hui Berrurier Noir avec la pièce La Fille du Delta, extrait de leur plus récent album, l'album Invisible. Ensuite, eh bien, nous aurons Brigada Flores Magón et la chanson Pas de justice, pas de paix, extrait de l'album Rock or Die, qui était leur troisième album. Et puis, finalement, nous allons conclure ce premier bloc avec Old the Grudge et la pièce The Kid, pièce extrait de leur album Doing Time, Old the Grudge qui travaille présentement sur un nouvel album. Mais pour l'instant, on reste avec ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils nous ont produit en 2010, l'album Doing Time. Ah oui, et puis j'oubliais, Old the Grudge aussi seront en spectacle, eux autres, bientôt. Si ma mémoire est bonne, c'est dans le mois de septembre. Mais oui, c'est ça, au Rock Café Le Stage à Trois-Rivières. Donc, allons-y sans plus tarder avec Jeunesse Apatride et la pièce Dragon de Fer. Tout ça uniquement à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou. la Radio Campus de Trois-Rivières. Pour poissonner encore une paix. Yes, Hold the Grudge avec la chanson The Kid. Si on recule de trois pièces, on avait eu tout d'abord Jeunesse apatride avec Dragon de fer, Berrurier noir avec La fille du Delta, ainsi que Brigada Flores Magón avec Pas de justice, pas de paix. Maintenant, nous allons poursuivre en folk punk ainsi qu'en, on pourrait dire, en un mélange de blues avec un petit côté. Rock? Ouais, c'est peut-être bien ça qui définirait le Reverend Peyton Big Damn Ben. Mais bon, toujours est-il qu'on va commencer ça tout d'abord avec la formation allemande The Porters et la pièce Son of the Stone, qui est extrait de leur album qui s'appelle Rum, Bum and Violina. Ensuite, nous aurons The Tossers avec la pièce Nantucket Girl Song, extrait de l'album Purgatory. Et puis après ça, eh bien, nous aurons une nouveauté pour aujourd'hui, The Reverend Peyton Big Damn Ben. C'est sûr qu'au cours des prochaines émissions, je vais en faire passer plus de nouveautés de son nouvel album. Toujours est-il que j'aimais mieux avoir le CD entre mes mains que la promotion MP3. Donc c'est pour ça qu'on va entendre la troisième pièce du nouvel album qui s'appelle We'll Get Through. Et vous allez voir, dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce que ce groupe-là produisait avant. Donc, mélange de blues avec du folk, mais ils ont toujours le son spécial de Reverend Peyton Big Damn Ben, donc un son, oui, j'aime bien l'appellation spéciale. Donc allons-y sans plus tarder avec The Porters et la pièce Son of the Stone, tout ça uniquement à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Ah oui, puis j'oubliais, après ça, dans environ une dizaine de minutes, nous aurons également Jury Veilleux de Québec solidaire qui est là présentement en studio pour une entrevue justement sur Québec solidaire et également sur la circonscription de Masquinongé. Et ça, c'est dans environ une dizaine de minutes. D'ici là, on passe en musique. Let's go! I'm a son of the sound, hear the ship engine sum, when a train's swumbling over the rails. The factory died, the sky gray, by the river I prayed, but it washed all my dreams away. Into the river, we're dragged by the flow. We were young kids that wanted to conquer the world. A trip on a roller coaster without safety belts. Better to the metal on the rain down to the floor. No limits, no roots, my head against the wall. I sip the blood, I lick the wounds of a bleeding town. Was taking bomb, a loaded gun, ready to shoot you. Sound, hear the ship engine sound. When a train's rumbling over the rails. The factory died, the sky gray. By the river I prayed, but it washed all my dreams away. I'm a son of the sound. Hear the ship engine sound. When a train's rumbling over the rails. The factory died, the sky gray. By the river I prayed, but it washed all my dreams away. Away. Cause I cry for his departure, and nothing can break you. I will be okay wherever it is I go. I'm sorry I don't want children to follow at my feet. I'm happy by myself, not chasing kids into the street. I wasn't born for marrying, for the game or for the blame. And when my friends do call me, I like hearing my own name. But when he says goodbye, my dear, I'm off across the sea. First I cry for his departure, and I laugh because I'm free. Oh, I'm never with a sailor, I send him up to sea. For a life of independence is the better life for me. But every now and then, yeah, I would like to see his face. For it always seems to me to be my with a manly grace. I wear his mouth and over the oven, and his dark and kindly eye. Me hardly finally turn him, whenever he is mine. But when he says goodbye, me love him up across the sea. But after his departure, and after send him up to sea. Mm-hmm.

Like a northern star. Next time we come to you. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Sky Panka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et tout juste avant le bloc de publicité, on a eu The Porters avec... Qu'est-ce que je dis là? On a eu Dead Kennedys avec Holiday in Cambodia. Après l'entretien justement avec Julie Veilleux de Québec solidaire. Puis après ça, on avait eu On The Job avec la chanson qui s'appelait Clark Crona Drinking Society. Et par la suite, on avait eu le groupe français Salvation City Rocker avec la chanson À tes rêves brisés. Maintenant, on va entrer dans un bloc spécial consacré aux Ramones, car il va y avoir un spectacle hommage aux Ramones au Rock Café Le Stage samedi le 1er septembre. Je répète, samedi le 1er septembre, Rock Café Le Stage, spécial, pas spécial, mais en tout cas, hommage aux Ramones. Puis c'est pour ça que là, j'enchaîne avec un bloc, justement, hommage aux Ramones, question de vous mettre dans le beat. Donc, au cours du prochain bloc, on va entendre Duran Go 95, Teenage Lobotomy, Psychotherapy, Bien du Grid Bop, ça c'est des pièces live. Ensuite, nous allons avoir des chansons studio des Ramones, c'est-à-dire Judy's a Punk, The KKK Took My Baby Away, I Wanna Be Sedated, I Don't Wanna Grow Up, Rock and Roll High School et finalement la pièce Ramone, de Ramone. Donc, je laisse continuer la musique, puis je sais pas, moi, balancez-vous la moumoute. It's great to be back in Barcelona tonight. This goes out to John Giddings, take a seat, Jim. 1, 2, 3, 4! Thank you.

world was fog, it's always changing things. Makes the wish that I could be a star. When I see the price of you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. I don't wanna have to shout it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. All night. Alors, avec les Ramones en background, vous écoutez encore, et oui, Sky Punka avec le camarade B. Pourquoi a-t-on eu un spécial sur les Ramones? Eh bien, c'est qu'il va y avoir un hommage aux Ramones au Rock Café Le Stage samedi le 1er septembre en compagnie des formations suivantes. Tout d'abord, ceux qui font l'hommage, c'est le groupe 63rd and a Third. Non, plutôt 53rd and a Third, oui. Ça, c'est le nom du groupe qui fait hommage. Mais il va y avoir également aussi Trigger Effect, ainsi que une autre formation qui s'appelle The Ligories. Alors, vous avez compris ça. Ne manquez pas ça. Très bon hommage aux Ramones. La semaine prochaine, on va faire jouer d'autres tunes de Ramones aussi. C'est quand même bon, les Ramones. C'est divertissant. Ça fait été en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on avait eu dans ce bloc des Ramones? On avait eu plusieurs choses. Tout d'abord, j'avais commencé avec des extraits de l'album live qui s'appelle Loco Live, qui a été enregistré en Barcelone dans les années 90. On a entendu Durango 95, Teenage Lobotomy, Psychotherapy, ainsi que Blitzkrieg Pop, qui était live. Je dis pop, c'est bop. Blitzkrieg Pop. Et puis, après ça, eh bien, on a eu Judy's a Punk, The KKK Took My Baby Away, I Wanna Be Sedated, I Don't Wanna Grow Up, Rock and Roll High School, ainsi que Ramon, qui a été repris d'ailleurs par Motorhead. Ouais. Avec un petit côté un peu plus violent. Mais là, on lâche le punk et on tombe dans le reggae avec la formation... voyons. Avec la formation qui nous vient de Finlande et qui s'appelle The Valkyrian, avec des reprises, en fait, avec des classiques du punk, à la fois britannique et américain, mais repris en reggae. Tout d'abord, Riot Squad de Coxpower. En reggae, vous allez voir, c'est assez différent, mais très bonne. Autre chose, Astro Zombie, la pièce des Misfits. Très, très bonne pièce. Très bonne reprise, je dirais. Autre pièce, Boston Breakout de la formation Sham 69, ainsi que Too Drunk to Fuck des fameux Dead Kennedys. Vous allez voir, c'est vraiment des très bonnes reprises. Et pour les trois premières pièces, elles sont extraits de l'album qui a sorti l'année passée en 2011 qui s'appelle Punk Rock Steady. Et puis pour la reprise de Too Drunk to Fuck, elle revient en fait, c'est la pièce qui vient clore l'album The Beat of Our Street. Parce que The Valkyrian ne feront pas seulement des reprises, là, mais leur plus récent album est un album seulement de reprises de vieilles tunes punk, mais en reggae. Donc, on y va sans plus tarder avec toutes les bonnes choses que je viens de vous dire. Puis, ça commence avec la reprise de la pièce Riot Squad, qui a été composée au début des années 80 par Coxpower. Et si vous la connaissez, ben, vous allez voir que c'est différent en reggae, mais c'est tout aussi bon. When we were at school, I thought he had it sussed, fighting the law with the rest of us. Smoking, drinking, acting cool, till they started treating him like a fool. And he stayed on his own for most of the time, dreaming dreams of life of crime. In and out of trouble, he cheated and lied. Who would have thought he'd join the other side? He's in a riot squad. Oh, I wanna fight squad. Boys in blue, it's amazing what a few weeks can do. Out in the car, out on the street, south of the river on the front line beat. Then he stayed on his own for most of the time, dreaming dreams of a life of crime. In and out of trouble, he cheated and lied. Who would have thought he'd join the other side? He's in a riot squad. Oh, they wanna fight squad. Oh, finger was pointed, he got the blame. Back where he started, ain't got a pound. Queuing with the sword he used to kick around. Then he stayed on his own for most of the time, dreaming dreams of life of crime. In and out of trouble, he cheated and lied. Who would have thought he'd join the other side? He's in the riot squad. Oh, they wanna fight squad. Oh, shoot an outside squad. Oh, follow and right and justice. Oh, follow and right and justice. Oh, secrets. Make out your fucking retainer and put it in your purse. Ouais, ça prenait le gars qui s'étouffe à la fin de la toune. Hein. Alors, les quatre pièces qui viennent de jouer sont des reprises de bons vieux groupes punk faits par The Valkyrian, qui est un groupe finlandais, extrait de deux de leurs albums. Mais bon, pour la pièce Too Drunk to Fuck qui vient de jouer, un bon vieux classique des Dead Kennedys, ça, c'est extrait de leur album qui s'appelle, attendez une petite minute que je retrouve la toune à la bonne place, qui s'appelle The Beat of Our Street. Mais ça, par contre, cet album-là, j'aime mieux vous le dire, c'est un album qui contient des chansons originales de la formation de Valkyrian, sauf qu'à la fin, ben, y a un cover de Dead Kennedys. Ah oui, ainsi que de Judge Dredd aussi, c'est vrai, il reprend aussi Big Six. Mais faut vous dire que quand même, Judge Dredd faisait déjà du reggae, donc ça, c'est juste un cover reggae. Par contre, c'est ça que je me demandais. Ça se pourrait bien que la reprise de Too Drunk to Fuck les ait peut-être dirigés vers justement leur album Punk Rock Steady, qui est seulement un album avec des reprises de classiques punk, mais à la fois en reggae surtout et en ska un petit peu, comme on a pu le voir avec Sham 69. Ouais. Donc, bon, on recule de trois pièces. On a eu tout d'abord Riot Squad, qui originalement avait été composée par Coxparrer. Ensuite, on a eu Astro Zombie, qui avait été écrite par The Misfit. Et on dirait qu'il s'est vraiment forcé un peu pour avoir la voix de Glenn Danzig. Donc, c'est, oui, très, très bonne reprise. Et après ça, on a eu Boston Breakout de Sham 69. Ben, en fait, okay, reprise de Sham 69. Et c'est sûr que ça ressemble pas mal à la version originale. Je crois que c'est dans toutes les pièces qu'on peut retrouver sur cet album-là, c'est celle qui ressemble le plus à sa version originale. Mais c'est quand même une pièce difficile à reprendre totalement en ska ou en reggae, quoi qu'elle est quand même en contretemps et avec du clavier. Bon. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on se laisse, parce qu'il est rendu l'heure de se quitter, avec The Fundamental, la pièce Outta Here. Ça, c'est extrait dans leur album Get All Right. J'ai commencé à vous en faire passer la semaine passée et c'est vraiment un très bon groupe à la fois reggae et aussi ska jazzé. Mais, excusez-moi, la pièce qu'on va entendre, Out of Here, elle est reggae. Puis pour la prochaine émission, ben, je vous mettrai une de leurs pièces plus à ska jazzé, disons. Après ça, eh bien, on va avoir Diopla avec la pièce Euro Zero. Ouais, ça c'est, je vous dirais, cette chanson-là, c'est celle qui est la plus différente de toutes leurs autres pièces sur leur plus récent album qui s'appelle Le Coup du Lapin. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a du clavier dessus et puis il y a un rapprochement, je vous dirais, à faire avec le reggae et le ska. Ouais. Et finalement, nous allons terminer avec Big D and the Kid Table et la pièce Halfway Home. Une de leurs meilleures pièces que vous allez pouvoir retrouver, parce que c'est pas encore sorti. Ça va sortir au cours du mois d'octobre. Là. Mais vous allez pouvoir retrouver ça sur l'album qui va s'appeler Build Up For Nothing, The D-Side and the Strictly Dub. C'est un double album que Big Din de Kid Table vont sortir. Pour l'instant, ben, il est juste en promo MP3, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est à venir. Mais bon. Double album avec à la fois des pièces qui n'ont jamais enregistré ou qui ont enregistré mais qui n'ont jamais mis sur des albums, ainsi que d'autres pièces qui sont des reprises de très vieilles pièces des fois, mais en version dub. Puis ça, c'est le deuxième CD. Le premier CD, ben, c'est ça, c'est plusieurs de leurs pièces qui n'avaient jamais mis sur des disques avec une entrevue avant chaque pièce. Et ça, c'est quand même bon parce qu'on peut connaître justement de quoi parle chaque chanson avant qu'elle joue. Donc, c'est le petit avantage. Et pour l'album, pas l'album, mais pour le CD avec des pièces en reggae puis en dub, bien, coudonc, vous allez découvrir ça au mois d'octobre. Donc, on se laisse, sans plus tarder, avec The Fundamental, la pièce Out of Here. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Punk. toujours entre 21h et 23h, sur les ondes de Sifu, la radio campus de Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. Si jamais vous avez l'Internet aussi, www.sifu.ca. Et sinon, ben, si vous avez pas le temps d'entendre ça live direct, puis pas le temps non plus live direct sur Internet, eh bien, vous pouvez toujours entendre les reprises sur le site archive.org, donc www.archive, A-R-C-H-I-V-E, mettez surtout pas de S parce qu'il y en a pas, .org, rendu là-dedans, vous avez juste à écrire à la main, là, S-K-O-I-P-U-N-K. Et, ouais, il y a un bon 2 ans et demi d'émission sur ça. Donc, bye-bye, à la semaine prochaine. Been on the road for many years and I still don't know where I'm bound. No money in my pocket, no woman to be found. Still I struggle on, searching under every stone. You know that I cannot find a reason why. Knew a girl in Saskatoon, Mary was her name. I told her that I loved her, but she didn't feel the same. Sometimes it is easier if you go run and hide. You know that I'm still looking for my reason why. Said, mister, won't you help me, please? Give me something strong, this pain I need to ease. The doctor, he said, son, I couldn't help you if I tried. You know that I'm still looking for my reason why. comme ça la vie moderne. Ce sont les marchés qui gouvernent. Ouais, c'est comme ça la vie moderne. Alors en ce qui te concerne, tu ne vaux pas même un euro. Full of bums. And how come when you finally talk to the girl, you find out that she ain't no fun? So now I sit with my friend and I'm drunk in his car, and he's patiently driving me home. And his night sucked too. His girls off to college broke him off, and he liked her too. But me and my friend, we've been through a lot, and I don't see us ever being stopped. See, we know we're almost home, halfway home, halfway home, we're halfway home, halfway home. So now it's two sit in silence, only car on the street playing tracks we know we'll both like. I stare out the window, stare at the lights, and I don't know what life is doing, and I don't know what I'm doing next year. I don't know why I can't get a date. I don't know what's a good career, but I do know this: tonight went wrong, and me and my friend, yeah, we'll get along. So neither of us know, but we're almost home, halfway home. Halfway home, we're halfway home, halfway home. Like everything, it could have been fun, but I messed it up. But when I stand alone, I sip much faster, and I get way too drunk. So it looks like I'll never know, but but we're almost home. Halfway home. Halfway home. We're halfway home. Halfway home.